Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'habille? Il est dangereux ce mec. Il est tout nu. Mais un slip! Mais un slip! C'est l'inverse, Hulk il déshabille. Voilà, c'est l'inverse. Mais un slip! Il n'a pas mis de slip. Enlève ton slip si tu nous entends. Bon, il n'enlève pas son slip. C'est qu'il nous entend pas. Bienvenue sur le nouvel épisode de Marvelicious. J'ai arrêté de décompter, les gars. J'en ai marre de dire un tel épisode, en fait. Du coup, j'ai arrêté de décompter. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et pas la rentrée des classes. C'est la rentrée des beaux gosses avec le grand retour de Laurent. Bonjour, Laurent. Hey, salut. Tu vas bien? Ouais, très bien. En pleine forme. En pleine forme. Les vacances ont été bien? Bah ouais, les vacances au soleil. Au soleil de Toulouse. Il y a du soleil à Toulouse? Ouais. Ah, cool. Il y a toujours du soleil à Toulouse. C'est la ville aux toits roses, c'est ça? La ville rose. La ville rose. Oui, parce que vos toits sont roses, c'est ça, non? C'est ça, ouais. Et Mika, bonjour Mika. Salut. Ah si, ça va? Si, quand même. Ouais. As-tu passé de bonnes vacances? Ah bah, complètement. Bon, elles étaient reposantes. Ouais, on va dire ça. J'ai fait que bouger, donc ça m'a vachement reposé. Et tu sais que c'est quand tu passes des vacances à bouger, c'est pas forcément reposant, puisque vu que tu bouges tout le temps, donc c'est pas forcément reposant. Eh ben écoute, super les gars, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors comme d'habitude, bah du coup on débrief sur un personnage et sur la série. Et puis pendant les vacances du mois d'août est sortie la nouvelle série. De Disney Plus qui est Shulk. Oh, nom d'un chien, qu'est-ce qui te prend? T'es malade! Ça va, tu maîtrises? Pas d'accès de colère incontrôlable? Non, juste une colère normale et légitime! Tu reprends bien l'aspect de Jen pendant ton sommeil? C'était indispensable, la corne de brume. Désolé, j'ai pas pu résister. Il va te falloir plusieurs années pour apprendre à maîtriser tout ce que ça implique. Yes! Ouais, c'est qui ton meilleur ami? Nikki. L'Elastan. C'est l'Elastan, ton meilleur ami. Être un Hulk exige un certain sens de l'équilibre. Tu as encore tellement à apprendre. Ouais! Bon, tu vois bien que j'ai réussi tous les tests. Écoute, si tu veux retourner à ta vie d'avocate, je respecte ton choix. Il le pense pas. De plus en plus de super-humains apparaissent un peu partout. Nous avons créé un service spécialement pour eux et je veux que Miss Hulk en soit la représentante. Jennifer Waters. Namasté. J'ai un sérieux conflit d'intérêts. Cet homme a tenté de tuer mon cousin Bruce. Oui, je connais l'affaire. Oh. Les gens s'intéressent à moi uniquement parce que je représente Emil Blonsky. Non, ils s'intéressent vraiment à toi parce qu'ils disent « Waouh, le tome, cette fille !» Allez, fais ton truc. C'est pas vrai, je l'aimais tellement, cet ailleurs. J'en suis pas très fière. Mademoiselle Walters, nous répondons à un plus grand pouvoir. Notre univers est au bord du précipice. Je suis avocate. Je dois me conformer au livre. Au livre des Vishanti? Non, au livre de droit américain. À la loi, quoi. Que ça te plaise ou non, tu es désormais une super-héroïne. C'est quand vous voulez. Vous vous souvenez de la copine que vous aviez au lycée? Celle qui était bien plus cool que vous, super canon. Celle qui attirait tous les regards. Salut. Je crois que je suis jaloux. C'est ça que je ressens, de la jalousie. Donc voilà, qui était prévu. Et c'est la dernière de cette année, si je ne me trompe pas. Il n'y en a pas d'autre qui est prévu cette année. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est la dernière. Je crois que les prochaines, là, ça va être Star Wars, je crois. C'est pas prévu que ce soit d'autres. Il est prévu d'autres séries Marvel. Et on parlera donc de She-Hulk, alias. Alors, c'est quoi son nom? Son vrai nom? Jennifer. Jennifer Walter. Oh la vache, Laurent, bravo. Jennifer. Et alors, c'est bon, je peux m'endormir. C'est bon, ça fait ta part, Laurent. Tu peux, alors, pourquoi il dit ça, Laurent? Tu peux expliquer pourquoi tu dis je peux m'endormir? Il veut pas expliquer. Il est arrivé un moment d'absence. Voilà, lors d'un podcast. Il y a longtemps, fort, fort longtemps. Non, je crois que c'était le troisième épisode sur Moon Knight, d'accord. Je crois que c'est ça. Bah, c'est l'effet de la lune. Ah oui, c'est l'effet de la lune, tu t'es endormi. D'ailleurs, je sais plus à quel moment, mais on t'entend ronronner. Donc en fait, on suit les aventures de Jennifer Walters, qui est avocate à Los Angeles. C'est pas New York. On a l'habitude d'être à New York, mais là, elle n'est pas avocate à New York, mais à Los Angeles. Et c'est la cousine de Bruce Banner, bah, qui est Hulk. Hein. Voilà. Et cette série s'appelle She-Hulk Avocate en français, et je crois qu'en anglais c'est Attorney of Law. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est prévu comme être une série, bien sûr, Marvel, mais aussi je crois qu'il sera centré aussi sur du juridique, c'est pas ce que j'ai compris, puisqu'on verra sa profession d'avocat spécialisé en droit des super-héros, super-humains. D'ailleurs, je crois que dans l'épisode 2, on en parlera, mais elle a son premier dossier, à rebondissement d'ailleurs, hein, elle a son premier dossier de droit de super-humain. Voilà. Laurent, tu connaissais She-Hulk à peu près avant, pas du tout? Ce personnage, tu l'as découvert juste parce qu'en fait, c'est la Disney Plus sortait la série, ou est-ce que tu avais déjà une idée de son existence? Non, j'ai découvert avec Disney+. D'accord. Donc, tu savais pas qu'elle existait concrètement? Non. Non, du tout. Et toi, Mika? Bon, oui, toi, Mika, je dis ça. Mais... Ouais. Ah bah, moi, je la connaissais pour quelques particularités du perso, dont je suis très content qu'il l'ait utilisé dans la série. À savoir briser le quatrième mur. Ah ouais, un peu comme c'est dans Deadpool, hein, il brise le quatrième mur. Souvent, les couvertures des comics, en fait, sont des murs brisés. Il y a souvent des conneries sur ces couvertures. J'ai trouvé ça super drôle. J'ai un pote qui est assez fan, du coup, il en a pas mal, et c'est pour ça que j'en ai pas mal suivi. Et bah, pour le coup, ouais, perso, je le connais assez bien. D'ailleurs, Laurent, t'as vu qu'elle brise le quatrième mur, pas si souvent que ça, elle le fait dans 2-3 passages à chaque épisode. Comment tu trouves justement, parce que ça peut être assez, quand on aime regarder une série avec des super-héros, etc., on n'est pas habitué à ce style, du moins dans le monde du MCU. Comment tu as trouvé que ça a été apporté, toi qui es fan de cinéma? Comment tu trouves que ça a été apporté, ce quatrième mur? Est-ce que tu trouves que ça a été mal apporté dans la série? Que ça gâche un peu l'idée que l'on a du MCU, ou pas du tout, ou que c'est bien apporté? Qu'est-ce que tu veux dire par le quatrième mur? Le quatrième mur, c'est quand ça te parle à toi en tant que spectateur. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, j'ai trouvé ça surprenant au début, et finalement, on s'y habitue assez rapidement, parce qu'il y a déjà d'autres séries qui le font beaucoup, mais pas du Marvel. Hein? Mais donc, c'est vrai que dans du Marvel, c'est un peu surprenant, mais bon, on s'y habitue. Hein. Ouais. Et on a, ouais. On a Benji 2 qui vient d'arriver. Bonjour Benji, il vient d'arriver, il est en retard. Salut, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. Ça va? C'est la galère. Oui, ça va. Bah oui, ça. Est-ce qu'en fait, monsieur est à Amiens? Ça capte à Amiens ou pas? Ouf, coussi, coussa. Coussi, coussa. Ouais, justement, bah tiens, pendant que t'es là, vu que en fait, c'est la première série Marvel qui casse le quatrième mur, est-ce que toi, tu en penses quoi? C'est bien amené ou pas? Ouais, c'est bien amené. C'est un peu surprenant parce que le moment où c'est fait pour la. Enfin, la manière dont c'est amené au début. C'est vrai que moi, je ne m'y attendais pas. Donc, après, ça amène... Ça me rappelle vraiment Deadpool, moi, ces situations-là, puisque c'est vraiment un personnage qui est fortement lié à ce mode de communication avec le lecteur, le téléspectateur. Et du coup, ça, j'aime bien. Ça amène un côté plus léger. Enfin, c'est un des trucs que j'ai le plus aimé hein, sur la série, ce rapport avec la personne qui regarde. Voilà, bon, je dirais, je pourrais m'étendre un peu plus longtemps. Je sais pas où on en est. Hein, dans le... Non, on est juste au début, t'inquiète pas. Voilà, c'est vrai que c'est pas, ça peut brusquer le spectateur, mais au final, ça passe crème. Hein. Ouais. Ça passe crème et puis c'est pas. Alors la question que je me pose, c'est comment ça va être amené lorsqu'elle va rencontrer d'autres super-héros du MCU. Tu vois, si elle rencontre, je sais pas, Hawkeye ou si elle rencontre Daredevil dans d'autres films ou si elle dans, je sais pas, si elle rencontre, c'est comment ça va être amené lorsqu'elle sera avec d'autres personnages du MCU. Est-ce que on aura aussi ce quand Spider-Man lui a tendance à avoir cette forme de dialogue, il y a un espèce de floutage du reste. C'est un peu particulier. Peut-être c'est un peu là, ça sera un peu la même chose, peut-être une forme d'arrêt ou. Peut-être, ouais. Bon, après on verra. Voilà. She-Hulk qui est appelé, on en parlait tout à l'heure avec Mika et Laurent, tu vois, vas-y. She-Hulk, c'est la version VO et en fait en VF c'est Miss Hulk. C'est même pas She-Hulk, c'est Miss Hulk en VF. Et Mika, il disait que tout à l'heure que quand on regardait la version française. En fait, il l'appelle Miss Hulk, c'est ce que tu me disais. Oui. Ah ouais, mais dans la série, elle ne l'a pas encore actée. Hein. Non, mais... non. Bah, elle a eu du mal à l'acter, hein, déjà dans les comics qu'elle est She-Hulk. Alors, il y a les origines de She-Hulk, Laurent, toi qui ne connais pas forcément ses origines, la manière dont sont amenées dans l'épisode 1 les origines de She-Hulk sont totalement différentes. Pas totalement, en partie différente par rapport aux comics. Puisque dans les comics, en fait, déjà la première grosse différence, c'est que dans la série, dans le MCU, tu as deux Hulk. Tu as Bruce Banner et Hulk, donc les deux personnalités différentes. Et après, tu as le Smart Hulk, c'est celui qu'on voit là et qu'on voit dans Avengers Endgame et puis Infinity War. C'est celui tu sais, qui est intelligent, en fait, c'est Bruce Banner dans le corps de Hulk. Quoi. Et en fait, dans les comics, non, c'est pas ça, y a pas, c'est vraiment le Bruce Banner et le Hulk, hein, le colosse vert que l'on connaît. Et la deuxième différence, c'est la manière dont elle devient She-Hulk. Alors, c'est toujours l'idée la même, c'est que c'est par le biais du sang de Bruce Banner. Dans les comics, pour la faire bref, en fait, tu as un caïd, un parrain, qui va blesser Jennifer à par balle. Enfin, c'est ses hommes. Il va blesser Jennifer Walters par balle. Bruce Banner, qui était de passage dans le coin, va vouloir l'emmener voir un médecin. Le médecin n'est pas là, mais il rentre quand même. Quand il pète la porte, il rentre dans le cabinet médical. Et vu qu'il a le même groupe sanguin que sa cousine, il va lui transfuser son sang. Ensuite, elle va à l'hôpital. À l'hôpital, elle se réveille. Les hommes du fameux caïd, je crois que c'est Trash, je ne sais plus comment il s'appelle, vont être présents pour la retuer. Et sauf que c'est donc du coup ils vont lui mettre du chloroforme je crois ou pour la kidnapper je ne sais plus bref ils vont lui mettre du chloroforme sur la bouche pour l'emmener avec eux sauf que là elle s'énerve et elle devient She-Hulk. Voilà. Donc là ça n'a rien à voir avec ce système là puisque là en fait Mika va nous expliquer ou Benji 2 allez Benji puis Mika va dire, comment devient-elle She-Hulk. Alors moi je trouve que c'était vachement intéressant est-ce qu'il pourra expliquer un peu pourquoi elle a un si bon contrôle aussi de la bête, entre guillemets, qui n'en est pas une au final. En fait, elle est en voiture avec Bruce, du coup, Bruce Banner, et un vaisseau spatial se met au milieu de la route. Normal. Un vaisseau Sakaar. Voilà. Et ils sortent de la route. Plusieurs tonneaux plus tard, ils essayent de sortir de la voiture. Elle y arrive. Son cousin, non, puisqu'il a l'inhibiteur, voilà. Ensuite, elle essaye de le tirer de la voiture, mais comme elle est blessée au bras, il y a du sang de Bruce qui coule, passe par la plaie et du coup la contamine. D'ailleurs, il y a une réaction très rapide, hein, puisque le sang la transforme quasiment immédiatement. Elle a aussi cette particularité-là, du coup, c'est de changer facilement de... Elle peut passer facilement, en fait. On peut dire qu'elle métabolise très vite. Ouais, c'est ça. Et puis, elle garde elle garde, on va dire, son côté humain, parce qu'au final, Hulk, enfin là, c'est Smart Hulk, mais dans les comics, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il, t'as Bruce Banner et Hulk, donc en fait, lui, il va se transformer en Hulk, en colosse vert, méga enragé, etc. Et elle, d'ailleurs, elle a un super contrôle, elle peut devenir She-Hulk quand elle veut, et puis devenir Jennifer Walters comme elle veut, d'ailleurs, on voit clairement dans l'épisode 1 et 2. Après, on peut peut-être l'expliquer... Dans, en tout cas, dans la version comics, il y a peut-être un aspect très traumatique du mode de transformation de Bruce Banner qui, lui, est irradié au final. Enfin, il est exposé au gamma. Ça peut expliquer aussi cette espèce de dualité. Me semble que par rapport à Bruce Banner, c'est surtout qu'il a un dédoublement de la personnalité. De souvenir, il y a des problèmes psychologiques qui font qu'il a la personnalité qui est séparée. Ouais, mais je sais plus. C'est lié à un problème de base ou c'est lié au traumatisme de la transformation? Il me semble que c'était un truc de base. Hein. J'en parlais avec mon meilleur ami qui les suit, qui me disait qu'en fait, il espère qu'ils vont parler dans le comics que Banner a un trouble de personnalité en comics qui fait que ça lui a séparé ces deux personnalités-là. C'est un Moon Knight vert, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, lui, il a rien. Enfin, elle a rien, donc du coup, elle est normale, entre parenthèses. Alors que lui, justement, ayant ce problème mental d'origine, du coup, ça lui a juste créé une seconde personnalité qui est complètement différente, parce que Hulk n'est pas Banner. Ouais. Et oui, dans la série, on peut l'expliquer par le fait qu'il a modifié la formule et qu'il a fusionné un peu les deux, et du coup, il a un contrôle. On peut dire que maintenant, c'est une forme de contrôle parfaite des deux transformations. Et du coup, comme elle a directement accès à cette version du sérum, on peut expliquer qu'elle a un contrôle sur sa transformation. D'ailleurs, tu sens d'ailleurs une certaine jalousie de Bruce Banner, d'ailleurs, à ce point-là. Notamment par le fait que lui, il a un manuel épais comme ça en disant bonjour, je vais t'apprendre tous les secrets. Comment devenir un bon Hulk gentil. Et en fait, mais je m'en bats les couilles de ton truc. Oh, il fait bon, bah du coup, je crois qu'il y a un truc qu'elle fait, il fait bon, on va sauter plusieurs chapitres et t'arrives au tiers du truc. donc voilà. Juste avant d'aller un peu plus loin, je veux juste parler des effets spéciaux, Laurent. Comment tu trouves comment tu trouves qu'ils sont faits? Tu les trouves bien, Mossad, etc. Parce qu'il y a un vrai débat dessus. Bah, c'est bluffant, hein, franchement. Moi, toi, t'aimes bien, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire dessus, c'est nickel. Hein. D'accord. Parce qu'il y en a qui disent justement, qui disent que bah en fait, ils trouvent que c'est plutôt jeu vidéo et pas forcément réel, comme on voudrait. Peut-être que c'est trop parfait, peut-être pour certains, et c'est... Pas assez. Ouais. Alors, pas assez. Maintenant, c'est vrai que les jeux vidéo reprennent beaucoup des éléments d'effets spéciaux qu'on a dans les films, avec des captures de visages ultra précis. Donc on a tendance à avoir ce type de comparaison, de ressemblance avec les jeux vidéo pour les films, puisqu'en fait... Les technologies visuelles sont assez similaires, et d'ailleurs les jeux vidéo sont de plus en plus cinématographiques au final. Donc comme ça se confond, c'est vrai qu'on peut avoir des gens qui ont tendance à faire une analogie entre le jeu vidéo et les films à effets spéciaux, et l'inverse, hein, ça peut être la même chose. Hein. On dit souvent d'un jeu vidéo, tiens, on dirait un film d'ailleurs maintenant. Juste pour revenir sur la série, l'accident est lié, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un vaisseau sakkarien. Pour donner une idée de ce qu'est un vaisseau sakkarien, il vient de la planète Sakkar, et cette planète, c'est là où, si je ne me trompe pas, dans Thor Ragnarok, Hulk était pendant Gladiator. C'est dans cette planète, c'est sur cette planète-là. Et généralement, les vaisseaux sakkariens, c'est pour apporter un message. À mon souvenir, ils sont faits pour ça. D'ailleurs, je crois qu'il le dit, il se voit, tiens, c'est bizarre qu'il soit là. Voilà. Mon petit Mika, tu as vu qu'en fait, on constate que Bruce vit au Mexique. Au Mexique. Et on a quand même de belles références à Iron Man et à Tony Stark plus précisément. Comment tu as trouvé justement ce moment où ça dure à peu près 5 minutes, où en fait on t'explique l'origine du lieu, etc., sur toutes ces références qui est fait à Tony Stark? Je trouvais ça sympa, qu'il y ait pas mal de refs à Stark, que tu vois le casque endommagé dans sa cabane. Après, j'avoue que c'est pas les refs à Stark, à part tout ce qu'il explique, parce qu'il a pas mal bossé avec lui, du coup, pour développer pas mal de choses. Je t'avoue que j'ai plus retenu les refs à Captain America, pour le coup, qui sont lâchés, on veut tuer, on voilà. Notamment, la petite scène post-G, que j'ai trouvé absolument excellente. Et en fait, elle a un raisonnement purement, purement logique. Ouais, et là aussi, et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait du fait qu'elle brisait le mur entre le spectateur et l'histoire. Mais indirectement, elle le fait aussi là, en se questionnant. Au final, elle se pose les mêmes questions que quasiment tout le monde. On se pose, c'est ça. En se disant, mais en fait, est-ce qu'il a vraiment des rapports sexuels ou des choses comme ça? Je pense qu'on s'est tous demandé s'il est resté vierge 90 ans. Apparemment, non, puisqu'il dit que je crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été avec une fille lors de sa tournée. Là. Oui, bah, du coup, il solutionne ça. Je pense qu'il y a un clin d'œil aussi de la production, qui sont aussi des fans, hein, au final, il ne faut pas l'oublier, c'est des fans. Qui produisent, hein. Et je pense qu'ils sont aussi posés la question et qu'ils ont peut-être dû voir que pas mal de gens se sont posé cette question. Ils l'ont sûrement intégré, ils se sont dit que c'était l'occasion de l'intégrer là-dedans au vu de la personnalité, je pense. Je trouve que ça donne un peu de relief, tu sais, à la série en l'ancrant sur quelque chose d'un peu réaliste, entre parenthèses, puisque oui, c'est le genre de question que je pense que même dans l'univers Marvel, dans le MCU, que les gens lambda doivent se poser par rapport à Captain America, parce qu'ils sont quand même des gens connus comme les héros du monde. Je pense que leur vie en soi doit être suivie par tous les paparazzi, par toutes les conneries possibles. C'est tout le monde doit se poser en soi. Je trouvais ça marrant. D'ailleurs, à noter qu'ils ont dû se la poser entre eux, puisque Bruce lui dit ce qu'il en est, en fait. Donc, ils ont déjà dû lui poser. Et à mon avis, le premier à lui poser, c'est, vu son côté très indiscret, c'est Tony Stark, qui est très extraverti, enfin, très explicite. Mais c'était assez... Moi, je trouvais ça plutôt pas mal, ce moment où il parlait de Tony Stark, où ils disaient qu'ils avaient fait le bar ensemble, etc. Ça mettait une certaine nostalgie, quand même. Ouais, de dire, effectivement, il sera plus là, il n'est plus là... Et que il manque quand même, tu vois bien que le poste, on va dire le poste Endgame, en fait, a fait du mal physiquement à certaines personnes et psychologiquement aussi, hein. La perte d'un ami, etc. Je trouve ça, c'est pas mal. On le voyait bien dans Hawkeye, où tu avais vraiment Hawkeye qui était abîmé physiquement et qui se retrouvait, qui avait cette pression d'être seul parce que les Avengers n'étaient pas forcément réunis. Donc, je trouvais ça assez émouvant et nostalgique. Donc, il est vraiment depuis tout ce temps, quoi, et que c'est qu'il est juste plus ressorti de là depuis tout Endgame, quoi. Ouais. Et je crois pas que dans les autres séries, ils aient fait référence à Tony Stark. Parce que Loki, non. Miss Marvel, non plus. Non, il y a que vraiment là où ils ont fait référence. Hein. Ils n'ont pas fait. Pour les autres, c'est ça a plus été Captain America. Ouais, Captain America pour Faucon et Soldat d'hiver, mais je n'ai pas ce souvenir-là où ils faisaient vraiment référence. Et là, ils en faisaient référence, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, on a ce moment, on disait tout à l'heure, ouais, au Mexique, où il fait une formation un peu bizarre, on va dire méga accélérée. Ce combat un peu loufoque. Alors, moi, je trouvais que le combat, il croise là contre Souterrain, tu vois. À la limite, je trouvais qu'elle était mal faite, la CGI, comme disent les jeunes. Voilà. Et là, plus tard, donc elle arrive à Los Angeles, dans le prétoire, comme on dit, et puis arrive une super vilaine qui s'appelle Titania, qui est une super vilaine qui a travaillé pour Fatalis, je crois, et pour Baron Zemo, plusieurs, ouais. Un travail pour plusieurs. Et elle arrive dans le tribunal, et premier réflexe, Laurent. Le premier réflexe de She-Hulk. On l'a perdu. Réflexe de She-Hulk, c'est qu'elle aurait voulu ne pas se transformer. Elle voulait rester femme normale. Ouais. Et tu trouves pas, justement, j'allais te poser la question, toi qui est pas connaisseur comme nous de comics, est-ce que tu trouvais pas que dans cet épisode-là, on avait quand même une sorte de féminisme où justement elle voulait qu'on la reconnaisse comme avocate et aussi comme femme, comme l'égale de l'homme. Je ne sais pas si tu avais vu, il y a certaines références comme ça. Moi, j'ai trouvé qu'à certains moments, c'était assez féministe. Tant mieux dans un sens. Mais notamment là, où elle explique qu'elle peut faire autant que son cousin, etc., etc. Ou autant qu'un avocat homme. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Bah, moi, j'ai remarqué que ouais, c'est un message qu'ils veulent le faire passer. Non, c'est un message qu'ils veulent faire passer que les super-héros peuvent être aussi des gens normaux. Et à ton avis, pourquoi elle veut pas, ce que tu as très bien dit, pourquoi à ton avis elle renie cet alter ego de Shield? Pourquoi elle veut vraiment rester Jennifer Walters? Bah, sa carrière. Elle a tellement investi dans ce qu'elle fait que si elle... De l'argent, ce qu'elle explique plusieurs fois, qu'elle a fait un emprunt, etc. Bah voilà, bah comme beaucoup d'Américains, les études coûtent très cher, ils s'endettent pour faire des... Pour avoir Alors, pour ceux qui ne savent pas, petit aparté, pour être dans le domaine, en France, pour être avocat, tu dois faire la fac de droit, passer un examen d'entrée, tu fais 2 ans d'école d'avocat et tu fais un examen de sortie. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, tu dois faire ce qu'on appelle un juriste doctor. C'est 3 ans dans une université of law. Tu dois faire 3 ans de droit dans une université spécialisée en fait dans le droit. Et ce qu'a fait d'ailleurs Matt Murdock et puis du coup Jennifer Walters. Tu fais 3 ans, ils passent leur juriste doctor. Et une fois qu'ils ont leur juriste doctor, ils passent un examen pour un barreau particulier. Pour un barreau particulier. Et en fait, c'est là où ils font des études de droit pour l'État fédéral, tu sais, les 50 États, enfin l'État fédéral, et les États fédérés. Et quand ils vont passer leur examen pour leur barreau, ils doivent connaître le droit de l'État fédéré. Par exemple, le barreau, je veux dire une bêtise de New York, mais ils doivent connaître le droit du barreau de New York, toi, local, de cet État-là, tu vois. Voilà. Si je peux. Donc, c'est pour ça, quand elle dit que ça lui a coûté un bras, bon, les études, ça coûte un bras, de manière générale, mais. Quand elle te donne les sommes, elle dit non, mais moi, c'est que vraiment là, aux États-Unis, comme tu dis, ça coûte vraiment un bras parce que c'est pas des petites universités hein, qui préparent ce diplôme de juriste doctor. C'est Harvard, je crois. On a d'autres, mais voilà, bref. Pour dire cette petite différence. Ouais. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et toi, Mika, pourquoi rejette-t-elle cette idée d'être Shield? Moi, perso, je pense que c'est surtout qu'elle en a effectivement tellement chié pour prouver ce qu'elle était capable de faire en tant qu'elle-même, de montrer qu'elle était capable de devenir avocate, qu'elle était aussi bien, voire meilleure que son collègue, qui tout le long, d'ailleurs, n'arrête pas de lui dire « j'aurais dû défendre moi » et compagnie. Elle n'a pas envie d'être reconnue pour autre chose qu'elle-même par rapport à tout ce qu'elle a fait et pas être connue comme étant She-Hulk et qu'on dise « ah bah regarde, c'est She-Hulk ». Peu importe les études qu'elle a fait. Elle a le jury pour elle, etc. Ça, et je pense que c'est une gentille. Il a un nez, comme elle dit, elle ne veut pas être une super-héros, ça ne l'intéresse pas, elle veut être avocate, elle veut faire ce qu'elle aime, ce pourquoi elle a passé sa vie à faire, et défendre les gens à sa manière. Et malheureusement, ben, on ne va pas trop lui laisser le choix. Ouais, c'est ça. Alors, encore une différence avec la France, pour être du domaine encore. Il y a un jury là, vous avez vu ? Il y a un jury pour ce procès. En France, les seules juridictions où tu as un jury, c'est les cours d'assises. D'accord ? Mais il n'y a pas de jury en France, sauf dans les cours d'assises. Et aux États-Unis, tu as des jurys tout le temps dans les procès, enfin, quasi tout le temps. Voilà. Et le problème, c'est que en France, quand tu plaides au magistrat. Tu plaides envers un magistrat, etc. Tu plaides pour ton client, mais tu plaides aussi devant un magistrat. Et là-bas, en fait, tu plaides devant un magistrat, bien entendu, mais aussi devant un jury, tu vois. Là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines séries, si tu as dû voir, les avocats, ils parlent au jury, tu vois. Hein. En France, tu n'as pas de jury, sauf en cours d'assises, mais du coup, aux États-Unis, vu que tu as un jury dans les procès, bah voilà. C'est grand. Voilà. Je vais faire ma deuxième parenthèse juridique. Voilà. Tu vois, ce que tu as dit là, Mika, ça rejoint mon idée. Ça rejoint mon idée dans ce que tu dis, que justement, il y a cette volonté. Putain, j'ai fait des études de droit pour être avocate, donc je veux qu'on me reconnaisse en ma qualité d'avocate. C'est une éthique qu'elle a quand même, quand tu te dis, voilà. Mais il y a aussi, pour moi, toi, femme avocate, tu vois. C'est cette idée-là aussi que je disais tout à l'heure. C'est, Elle montre aussi qu'elle peut faire autant qu'un homme. Voilà. Enfin, c'est... Je suis peut-être trop loin dans la réflexion, mais... C'est ce que tu vois, comme je t'ai dit, par rapport à son collègue qui n'arrête pas de lui dire « Ah, mais j'aurais dû défendre moi et compagnie », et qu'elle lui dit que non, parce que finalement, elle l'a gagné son procès précédent, et que là, c'est pareil, elle est sûre de gagner, que ce soit lui ou que ce soit elle. Ouais. Voilà pour l'épisode 1. Donc, c'est un épisode plutôt pas mal. Enfin, moi, je trouvais que la mise en bouche était pas mal. Laurent, t'en penses quoi? Moi, je trouvais que cet épisode 1 était bien agréable. Enfin, pas exceptionnel, remarquable, mais il était bien. Il se regardait. Qu'en penses-tu? Bah, carrément, moi j'ai beaucoup apprécié, comme en plus je connaissais pas du tout le personnage. Je trouve que la présentation a été assez rapide et claire. On rentre rapidement dans l'histoire, je trouve. C'est vrai. Et toi, Mika, du coup? Bah, alors, moi j'ai surkiffé en soi. J'étais vraiment à fond. Bah, cool. C'était. Je trouvais ça vraiment génial, quoi. J'ai juste un souci, c'est que je la trouve plus jolie transformée que normale. Je crois que c'est fait exprès. Elle est plus grande aussi. Elle est largement plus grande. Elle fait au moins 3 têtes de plus. Mais on l'a pas. Ah, je vais juste dire, on a vu l'épisode 1 et 2. Le seul qui a vu l'épisode 3, c'est Laurent. Donc voilà, donc on n'a pas vu l'épisode 3. Mais on a vu dans les trailers qu'elle portait une jolie robe de soirée. Donc on va voir si. Voilà. Si. Ça lui va si bien que ça, la robe de soirée, parce qu'on a, on voit que le haut, je crois, on voit pas. Voilà. On n'a pas l'uniforme violet et blanc qui est là, qui fait à moitié maillot de bain, monopièce, quoi. Justement, on était habitué pour le moment aux épisodes de 40 minutes, à peu près, hein, avec Miss Marvel, Moon Knight. Ça vous a pas fait mal d'avoir 20 minutes, là? Ça, la WandaVision, tu sais. Bah, 31 minutes pour le deuxième, si t'enlèves le générique, ça la réduit vachement. Ouais, c'est... C'était court. Pareil, j'ai trouvé que ça passait vite. Alors, je me suis dit, alors, honnêtement, j'ai pas regardé le temps, mais je me suis fait la réflexion. Waouh, j'ai pas vu passer le temps. C'est que elle est bien la série. Peut-être il y a un goût de trop peu. Donc, si t'as un goût de trop peu, c'est qu'elle est très très bien. Ouais, d'accord. Mais est-ce qui est énorme? C'est en fait, tu casses certains codes, donc bien sûr, tu as le quatrième mur, mais des genres de trucs, de théories où est-ce que Captain America est puceau, tu te dis, mais donc d'où ça sort ce genre de réflexion, tu vois? Et là, il y a un vrai débat dessus, mais non, mais moi je suis sûr, parce que il était amoureux d'une femme, et puis il est devenu Captain America, et puis après il était parti à la guerre, il a été congelé, et puis il s'est réveillé, mais la femme qu'il aimait, elle n'était pas là, donc du coup, tu te dis, mais le mec, mais, ça casse un peu les codes qu'on est habitué de. Des séries Marvel. Deuxième épisode. Alors, après, premier épisode, ça... Je ne me suis pas posé la question. Attends, j'ai un truc à dire. Je ne me suis pas trop posé la question, mais les Marvel, est-ce que c'est, est-ce que tu as des statistiques par rapport à ce que les garçons ou les filles suivent? Qui regarde plus ces Marvel? Eh bien, peut-être que là, ils cherchent à attirer plus les filles, puisque là, tu vois, on est dans. Tu vois, on est dans des réflexions plus féminins, quoi. Qui va s'intéresser à est-ce que Captain America est puceau? C'est plutôt. J'espère que je ne suis pas misogyne en disant ça, mais c'est plutôt des discussions de filles, quelque part. Et pourquoi pas? Alors, du moins, Jennifer se pose la question, parce que Bruce Banner, il ne la pose pas. Donc, Et cet épisode 1 s'appelait une colère normale et légitime, voilà. Donc, on ne saura pas quelle colère, mais en tout cas, c'était approprié comme titre, hein, normal, légitime, voilà. Deuxième épisode, épisode 2, s'appelait Droit super-humain. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas She-Hulk, elle, c'est une avocate, enfin, Jennifer Walters, elle est avocate, et elle devient She-Hulk, mais elle est recrutée par un cabinet dans les comics, bah, du coup, je crois que c'est le même nom, d'ailleurs. Il me semble. Oui, c'est le même nom, toujours. Ah, je crois que c'est le même nom. Elle est recrutée parce qu'en fait, ils ont ouvert une section de droit super-humain. Voilà. Et, droit super-humain. Notamment dans les comics, elle avait défendu. Alors, je sais pas, t'en lis pas, toi, Laurent, mais il y a un comics qui est super connu chez les lecteurs, c'est Civil War. Et par exemple, elle avait défendu un des super-héros qui était à l'origine, justement, du problème principal du livre, de la bande dessinée. Voilà. Mais pour dire, c'est qu'elle est spécialisée en droit de super-humain Et d'ailleurs, elle a la tête de ce pôle-là. D'ailleurs, dans la série, on voit que c'est elle qui a la tête, je crois. Par contre, on ne lui laisse pas le choix, c'est que quand elle défend, c'est en She-Hulk. C'est ça. Voilà. Et là, bah, du coup, ils ont repris le truc, en fait. Ils lui ont dit, t'as pas le choix, t'es en She-Hulk. Et ça rejoint un peu votre idée de tout à l'heure, et qui était plutôt pas mal, de dire que bah, là, du coup, elle a fait quand même une longue période de chômage. Enfin, une longue, mais elle était au chômage alors qu'elle avait était avocate. Elle avait tout ce que vous voulez. Elle se retrouve au chômage. Et puis, en fait, le cabinet contre lequel elle était, d'ailleurs, je crois que c'était contre celui-là qu'elle était derrière dans cette affaire, je crois, va la recruter en disant, non, mais tu nous prends, etc., etc. Accessoirement, moi j'ai surkiffé le moment, tu sais, où tu as le générique qui apparaît, où tu as écrit du coup She-Hulk Attorney at Law, et que du coup, quand elle, justement parce qu'elle a perdu son taf, le générique change et tu as écrit en fait en recherche de taf à la place, un truc du genre. Ah, j'ai pas fait gaffe. Moi non plus, j'ai pas fait gaffe, je vais regarder. Attorney at Law, en fait, ça sent. Ah bah ouais. Avocat en recherche ou un truc comme ça. D'emploi. Et j'étais mort de rire justement parce que ça passe tout seul avec le passage exact à ce moment-là vu qu'elle se fait virer parce qu'elle est chiotte. Ah putain, pas fait gaffe. Et d'ailleurs, pour ceux qui. Si t'as bien regardé quand elle cherche un boulot, je sais pas si t'as vu quand elle utilise l'ordinateur, t'as une actualité qui est sortie, c'était un homme avec des griffes, un truc comme ça, se bagarre dans un bar. Ah, j'ai pas fait attention. T'as pas fait gaffe? Bah en fait, elle est en train de chercher un boulot et t'as un article de jour. Bah regarde quand elle recherche, tu vois, c'est un article qui dit un homme avec des griffes se bagarre dans un bar et ça fait penser à Wolverine. Voilà. Bah, c'est possible vu qu'ils vont tenter de les intégrer d'une manière ou d'une autre, là, donc... Ouais. Donc voilà. Mais du coup, elle cherche un boulot, donc elle trouve ce boulot-là et puis on lui laisse pas le choix. Donc c'est là où c'est un peu contradictoire avec tout à l'heure, Laurent, c'est qu'effectivement, elle voulait cacher son... Enfin, ne pas utiliser... son alter ego de She-Hulk pour son boulot. Et là, elle n'a pas le choix parce qu'elle est obligée d'être She-Hulk. Pas le choix. Pour pouvoir dominer, enfin, pour pouvoir diriger ce pôle de super-humains. Elle a un premier dossier qui est de défendre Emil Blonsky. Donc, c'est l'abomination. Je ne sais pas si tu as vu le Hulk ou c'est Edward Norton qui joue Hulk d'ailleurs. Tu as eu deux films Hulk, et celui-là qui est vraiment du MCU, c'est celui-là qui est Edward Norton. Et justement, c'est lui qui devient l'abomination, en fait. Tu le vois là. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Shang-Chi. Dans Shang-Chi, justement, où il se bat dans une arène avec Wong. Je ne sais pas, tu l'as vu, Laurent, Shang-Chi ou pas? Non, c'est l'un des. C'est l'un des rares que j'ai pas vu. Oh, il est bien en plus. Excellent. Ah, dommage. Ah ouais, il est bien. Et justement, je trouvais qu'il était pas mal après le nanar de Black Widow. Bah, je trouvais que Shang-Chi était rafraîchissant, tu vois. Ah, bah regarde-le. Regarde-le. Bah voilà un objectif. Sur... Et ben, bah, t'as My Canal Non, t'as pas ouais. My Canal. Et bah, bah regarde sur My... Et bah, mais je t'inquiète. Ou pique les codes de Mika. Ouais. Tu vas regarder sur My Canal et t'as... Et, t'as... et c'est vraiment, il est rafraîchissant. Ce... Il est vraiment bien et rafraîchissant. Si tu veux, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et d'ailleurs, dans l'épisode, l'épisode se termine justement où tu vois le combat clandestin entre Wong et l'abomination. En bref, elle doit défendre donc l'abomination, qui est l'ennemi de Hulk. Et en fait, c'est pour ça qu'ils disent qu'elle a un conflit d'intérêts, c'est parce que l'ennemi principal de l'abomination, bah, c'est Hulk. Et donc Hulk, c'est son cousin, Bruce Banner. Donc elle a un conflit d'intérêts. Voilà, ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Alors. Parenthèse juridique, c'est que quand tu as un conflit d'intérêt, normalement tu n'as pas le droit d'intervenir. Hein mais là, en fait, elle peut intervenir parce que justement, elle a eu. Enfin, Emil Blonsky a dit non, mais moi je ne poursuivrai pas l'avocat qui est Jennifer Walters parce que j'accepte ce conflit éventuel d'intérêt. Voilà. Il accepte ce conflit éventuel. Et donc, du coup, elle est très fière d'avoir ce premier dossier et puis. C'est en qualité de Jennifer Walters qu'elle va en prison, voir Emil Blonsky. Et dans un premier temps, je crois qu'elle refuse de le défendre, je crois. Et elle se sent obligée d'appeler son cousin pour lui expliquer que ben voilà, elle risque de défendre l'abomination pour avoir son positionnement. Et son cousin lui dit non, mais en fait, je lui ai pardonné. Il m'a envoyé un courrier, je crois, c'est un courrier d'excuses, à mon souvenir. C'est ça, oui. Un courrier d'excuses. Et du coup, attention, Lily, tu me demandes, mais tu voulais le faire. Du coup, elle dit, bah oui, au final, je veux le défendre. Et on commence à comprendre, en fait, une logique juridique dans la défense d'Emile Blonsky. On va dire, une sorte de repentir de l'abomination pour les actes qu'il a commis. Mais aussi, alors, je ne sais pas si vous avez tellement bien vu, mais il dit qu'il était à la botte. En fait, il exécutait des ordres. Je ne sais pas si vous avez compris ça, Mika. Oui, bah, il faisait que suivre les ordres. Après, c'est un militaire. Après, quand tu regardes le film à l'origine, il pète un câble, surtout parce qu'on n'arrête pas de lui rajouter du sérum petit à petit, qui ont fait lui l'abomination. Parce que sinon, c'était juste un militaire qui avait Captain America, essentiellement. Hein, il avait force surhumaine, développée et compagnie. Et il pète un plomb parce qu'ils n'arrêtent pas de lui en injecter pour qu'il soit à l'équivalent de Hulk. C'est ce qu'il le sent encore à la fin. C'est le surplus de dose. Puis c'est Ross, de toute façon, qui est au-dessus de lui, qui déteste Hulk. Alors, encore une parenthèse juridique. Vous allez dire, je suis chiant, mais. Ouais. Parenthèse juridique intéressante, parce que vous noterez que c'est peut-être intéressant pour vous. Peut-être que on a des auditeurs juristes. Mais sachez qu'il y a moyen de le défendre, puisqu'en fait, il y a deux règles de droit. En droit français, hein, c'est bien. Ça s'appelle des causes d'irresponsabilité pénale. Et en fait, tu ne peux pas être pénalement responsable en France lorsque tu as agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte. Tu n'as pas pu résister. Par exemple, là, comme tu disais, on lui a tellement injecté de sérum qu'il est devenu fou et que pour lui, c'était peut-être une contrainte. Et tu avais une autre cause d'irresponsabilité, c'est lorsqu'en fait, tu as accompli un acte commandé par une autorité légitime. Du coup, là, comme expliqué, par le gouvernement. C'était juste un mystère. Hein. Vous voyez, c'est intéressant quand même. Carrément, ouais. Voilà, ça s'appelle les causes d'irresponsabilité pénale. En fait, on a plusieurs, et donc du coup, voilà. Bon, après, je grossis le truc, hein, mais voilà. Pour vous dire que, on sent quand même qu'elle se dit, ah, il y a quand même moyen de le défendre. Et même nous, en tant que spectateurs, on se dit, ah, ça se trouve, il n'était pas si méchant que ça. Et là, on voit un côté quand même juridique, côté avocat, enfin, une série côté avocat qui ressort. Hein. Moi, je trouvais que c'était plutôt intéressant. On n'était pas dans la bagarre. T'es pas dans la bagarre. Où elle contacte justement son cousin pour lui en parler. Je sais pas si tu fais attention. Elle a eu du cul d'arriver à la voir au téléphone quand même. Parce que le mec, il est quand même. Ah oui. Dans un vaisseau Saka. C'est clair. Oui. En plus. Et ça capte bien comme quoi. Hein, ça capte bien l'espace. Voilà. Dans les avions, il y a le wifi à bord. Ils avaient le wifi dans le vaisseau. Ouais, c'est ça, ils ont une bonne antenne. Il n'y a pas le Wi-Fi dans les avions. Je crois pas. Mais j'ai eu du Wi-Fi dans les avions. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Justement, t'as un mode avion. T'as un mode avion, Laurent. C'est pour pas avoir le Wi-Fi. C'est pas pour mieux capter. C'est pour mieux capter. Bref, elle passe un coup de fil à Bruce et puis elle accepte le dossier. Et du coup, elle accepte le poste de responsable du pôle droit des super-humains. Et justement, avec tous ces éléments-là que lui a donné l'abomination, et puis ce que lui a dit Hulk, comme quoi il faut pour moi, je lui ai pardonné depuis un bail, elle commence à avoir une stratégie de défense. Même nous, en tant que spectateurs, on se dit, il y a quand même moyen d'avoir un bon petit procès là-dessus. Et puis là, sauf qu'arrive la situation finale. Donc, tu n'avais pas la référence, toi, Laurent. Maintenant, tu l'as. Va voir Shang-Chi, c'est plutôt pas mal. Maintenant, Laurent, tu l'as. Mais. Du coup, il y a une référence à Shang-Chi où justement, on se disait tous, mais qu'est-ce que fout l'abomination ici avec Wong ? Voilà. C'est ça. Maintenant, on voit qu'en fait, il est censé être en prison et en fait, il est en train de faire un combat clandestin contre Wong. Et en plus, je crois que c'est la même scène reproduite, je crois. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas fiché, ils ont repris la même scène. Hein. C'est ça, on voit le combat, le ramène à la fin. Voilà. Et donc, du coup, l'épisode s'arrête là. Et après, c'est assez drôle parce qu'on la voit dans. Alors, c'est un peu comme le côté humoristique quand elle explique pourquoi pour elle, il est plus sot qu'Captain America. Elle aide ses parents à faire le ménage ou à déménager, je ne sais plus, en portant les meubles. Voilà. D'ailleurs, tu as tout le passage que j'ai trouvé intéressant. C'est justement après qu'elle se soit fait virer, quand tu la vois dans sa famille. Et justement, tu vois ce qu'ils pensent d'elle, c'est que genre ils ont tous réussi parce qu'ils ont un taf et pas plus elle du coup. Ouais, elle est au chômage alors qu'elle est avocate. Ouais. Et t'as que son père finalement qui la prend à part pour lui dire que c'est pas grave, qu'ils ont l'habitude d'avoir un Hulk dans la famille, que auquel se passe. Et par contre, ils ont filé son numéro à plein de gens, je crois aussi, pour ah bah, ma fille, c'est chez Hulk, machin. Ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça aussi. Ouais. Bah après, moi je trouve que ça fait un peu bizarre en fait de voir la famille de quand même de Bruce Banner. En fait, c'est des gens normaux. Ils sont dans leur maison, un repas de famille, la cousine. Et voilà. C'est, je trouve ça plutôt pas mal comme. Comme c'est assez cocasse, quoi. Voilà. Et du coup, Laurent, comment t'as trouvé ce deuxième épisode? Bah, moi j'ai bien aimé aussi. C'est surtout ouais, la fin, ça m'a surpris la fin. Quand il était dans le vaisseau, ça ne rien. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Il ça cache les trucs. Ça. J'attends la suite. Ouais. Alors, est-ce que vraiment, alors justement, est-ce que je pense pas qu'on l'ait dans chez Hulk, hein, la suite. Non, tu entends Planète Hulk de loin? Ah non, j'entends pas. World War Hulk, ouais, je l'entends. Ouais, éventuellement, ouais, un petit Planète Hulk pour te rappeler d'abord, tu vois, en tant que repartir là-bas, gladiateur, sachant que Disney devrait récupérer les droits de Hulk d'ici peu. Ah, ils les ont pas ? Non, c'est Universal, je crois qu'il les a, et en fait, c'est pour ça qu'ils font pas de films sur Hulk depuis. Mm-hmm. Mais là, en fait, ils sont en train de les récupérer parce qu'Universal n'a plus fait de films dessus, donc les droits vont leur revenir automatiquement. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de préparer. D'accord, ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, bah merci de cette information. Plutôt pas mal. En plus, Thor Ragnarok, par exemple, avec Hulk, je trouvais pas mal. C'est Hulk dans l'espace, qui est pas sur Terre, machin. Déjà, dans les comics, c'est plutôt bien géré, ça. Et c'est vrai que ça fait pas mal de plus voir Hulk. Ou c'est peut-être une manière de se débarrasser d'Hulk, tu sais, comme ils ont fait pour certains super-héros. Hein. C'est aussi. Mais ouais, c'est la question que je me suis posée, c'est le vaisseau Sakaarien. Généralement, ils sont utilisés pour donner des messages. Justement, à un moment, il dit, mais quel message il est venu, mais je sais pas pourquoi, pour livrer un message, et après, il repart. Qu'est-ce que... Je pense pas que ce soit réellement pour faire Planète Hulk. Enfin, peut-être que si, hein. Mais bon, après, je crois qu'il reste 2-3 ans en tant que gladiateur Hulk, à mon souvenir. Ah ouais, il reste 2 ans, hein. Mais là, il est Smart Hulk, tu vois. Il est pas Hulk comme dans Thor Ragnarok. Après, techniquement, je suppose qu'en utilisant l'inhibiteur pour redevenir normal et s'il pète un plomb de colère, il doit pouvoir repasser juste en Hulk. Hein. Et d'ailleurs, comment Laurent, du coup, t'as pas forcément la ref, t'as pas vu Shang-Chi, mais dans la scène post-générique de Shang-Chi, on voyait Bruce Banner avec la main dans la gouttière. Et tu le vois d'ailleurs dans le début du 1, du coup, la main dans la gouttière, et en fait il nous explique que c'est grâce au sang de sa cousine qu'il a pu se soigner et qu'il a plus de problème avec son bras. Donc dans la scène post-générique de Shang-Chi, voilà. Donc, et on voit en fait que sa cousine, le sang de sa cousine a pu se soigner, genre d'ailleurs il y a ce côté un peu jaloux parce qu'il a l'impression que le sang de sa cousine est parfait, que le sien en fait il est un peu asbin. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, alors hâte de voir l'épisode 3, Mika. Ah mais complètement. Et Laurent, ouais. Chute. On ne posera pas la question à Laurent, on va dormir. Non, vas-y. Laurent il ne dira rien. Ouais. Ouais, Laurent il ne dira rien. Alors, Laurent. Juste pour te dire, je sais qu'ils m'ont envoyé un message, m'ont dit mais j'y connais rien. Il y a deux avocats super héros connus, donc Hulk et un autre que tu connais, qui s'appelle de nom Daredevil. Tout à l'heure. Daredevil. Voilà. Donc apparemment il apparaîtrait. Ouais bah apparemment il apparaîtrait. Hein, c'est potentiellement celui là. Il apparaîtrait alors après à voir, sachant que dans les comics elle a déjà affronté. En qualité d'avocat, d'ailleurs, Matt Murdock, ils sont déjà affrontés. Et je crois qu'ils ont même eu une relation amoureuse, je crois, dans les comics. Je ne sais pas. Après, il est dans les bandes annonces, donc de sûr, il y est. Ouais, de sûr, il y est. Ouais. Et je pense qu'il y aura Wong aussi. Parce que s'il y a cette scène-là, justement, où il se bat, l'abomination se bat dans un bar clandestin. Je suis persuadé qu'on va voir Wong parce qu'elle va avoir des explications. Donc, il y en a qu'un qui sont venus, c'est moi. Surtout qu'à la fin, l'autre, il s'est barré de la prison. Il a tout défoncé, il s'est barré. Donc, je pense que Wong va être là peut-être pour l'aider à le récupérer. Ouais. Bon, on verra bien. Bon, bref. Et la grosse question, c'est où se rend, du coup, Hulk à l'épisode 2. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on verra dans Hulk où il va. Comme tu dis, on sera dans... Alors, par contre, je ne sais pas dans quel film. Peut-être Les Gardiens de la Galaxie. Non, soit pas. Marvel, peut-être, parce que dans Marvel, vu que tout va se passer dans l'espace, on va peut-être au moins savoir ce qui s'est passé. Ouais. Bon, on verra bien. On verra bien où il va aller. Mais bon. Et j'ai une bonne nouvelle pour Laurent en plus. Tu vas être content. Hein. Tu te souviens du nom de l'acteur qui joue Moon Knight? Oscar Isaac. Oui, Oscar Isaac. Voilà. Il a confirmé à demi-mot qu'il y aura une saison de Moon Knight. Ah. Bien, bien, joueur. Bien. Tu es joueur, ouais. C'est super. Alors, à demi-mot, moi, j'irais même plus que ça. Ils sont une partie de l'équipe du tournage, incluant lui, dans les lieux du tournage du premier, donc en Égypte et compagnie. Et quand ils lui ont dit « Vous êtes en train de tourner Moon Knight », il n'a pas répondu, il a juste dit « Pourquoi d'autres serait-on là ?» C'est vrai. Petit jeu, les gars. Petit jeu. 42. Et après, un petit jeu, si ça veut bien s'ouvrir. Si ça s'ouvre pas, par exemple, on le fera la prochaine fois, le petit jeu. Parce que j'avais préparé un truc. Ah ! Attention, êtes-vous prêts ? C'est un petit jeu. Est-ce qu'il a accepté ou refusé le rôle ? Non, est-ce que... Attends, non, on va faire autrement. Oui, est-ce que cet acteur a... vous saurez qu'il a refusé le rôle. On va dire, est-ce que cet acteur a été contacté ou pas pour jouer le rôle ? Je vous donne le nom d'un acteur, d'accord ? Et vous me dites si, pour vous, il a été contacté pour le rôle ou pas. Vous êtes prêts ? Oui. Juste contacté ou pas, d'accord ? Est-ce que Joseph Gordon-Levitt, vous savez qui c'est, j'espère ? Il joue dans... Laurent, tu sais qui c'est ou pas ? Non. Oh, merde ! C'est celui qui joue Robin dans Dark Knight et compagnie. On va dire Mika, est-ce que Joseph Gordon-Levitt a été contacté pour jouer au Kai ? Alors, aucune idée, pour le coup. Ah, justement, on cherche. Attends, je vais sur Internet pour voir. Non, tricher. Bah, écoute, vu comme c'est posé, je vais te dire ouais. Non. Il a été raté. Contacté pour jouer Star-Lord, Peter Quill. Ah, oh. Star-Lord ouais. Mika, vrai ou pas vrai ? Est-ce que Johnny Depp a été contacté pour jouer Doctor Strange ? C'est Mika, non. C'est Laurent là. C'est Laurent ! Ça me paraît c'est bizarre. Est-ce que Johnny Depp a été contacté pour jouer Doctor Strange ? Oh non. Eh ben si, il avait été contacté, mais il a renoncé au rôle parce qu'en fait, il était déjà engagé en même temps pour jouer Pirates des Caraïbes pour Jack Sparrow. C'est pour ça qu'il a refusé. Donc du coup, c'est Benedict Cumberbatch qui a le rôle. Bah, c'est peut-être pas plus mal. Mika, est-ce que Leonardo DiCaprio a été contacté pour jouer Spider-Man ? DiCaprio ? Non. Est-ce que Leonardo DiCaprio a été contacté pour jouer Spider-Man ? Non. Je me rappelle les trois acteurs à l'époque, mais je n'ai pas souvenir oui, qui était dedans. Qu'il était... Je ne crois pas qu'il ait été contacté. J'ai un doute. Et le doute m'habite. Alors, tu sais que ça, je peux le sortir à une de tes vidéos, ça, sur YouTube, si on se voit. Alors, est-ce que, pour toi, Laurent, Leonardo DiCaprio a été contacté pour jouer Spider-Man ? On va dire oui. Eh ben, c'est vrai ! Il a été contacté pour jouer... Ouais, pour jouer le Spider-Man de Sam Raimi. Mais de comment... Mais son meilleur ami. Mais en fait, il ne voulait pas. Il ne voyait pas avoir un Spider-Man dans sa carrière. Donc en fait, c'était Tobey Maguire qui a eu le rôle. Voilà. Bah, ça va, c'est ton meilleur pote, ça passe. Ah ouais, ils sont potes, je ne savais même pas. Putain, depuis l'enfance, alors... ils ont grandi ensemble, ils ont fait leurs études de cinéma ensemble. Enfin de... Alors, dernier, et après je vous laisse. Est-ce que Tom Cruise a été contacté pour jouer Iron Man ? Oui. Laurent ? Je crois que oui. De toute façon, il est contacté par tout le monde. Mais toujours sur les tournages de Mission Impossible, du coup, il ne peut pas. Ouais. Effectivement, il a été contacté, mais il a refusé parce qu'il ne trouvait pas ça emballant. Ouais. Et du coup, il est extrêmement déçu de ne pas le voir en caméo en Iron Man. Pas moi. Pas moi. Moi, je sais pas, moi ça m'a pas. Voilà, bah, c'est pas mal comme jeu. Non ? Ouais, c'est sympa. Un dernier ? Bah, un petit dernier vite fait alors. Un dernier vite fait. Est-ce que Laurent, tu connais Jason Momoa ? Non. C'est lui qui joue Aquaman. Oui, le film, je connais. Ouais. D'accord, mais tu vois l'acteur qui joue Aquaman ? Ouais, ouais. Ok, alors est-ce que Jason Momoa a été contacté pour jouer Drax le Destructeur des Gardiens de la Galaxie ? Ah, je sais qu'il a été contacté par Marvel par quelque chose, mais. Parce que j'ai vu un article il y a quelques jours seulement, mais. Ah, je veux dire oui, juste pour. Je suis joueur, oui. Mika ? Oh. Bah, il passerait bien dans le rôle, j'ai envie de dire oui aussi. Ouais, c'est vrai, ils l'ont contacté, mais il a refusé parce qu'en fait, il en avait ras-le-bol qu'on lui attribue des rôles de grand costaud. Voilà. Bah, c'est ce que. Ouais. Bah, oui, bah, surtout, tu vois Game of Thrones, il joue Khal Drogo, tu vois pas Khal Drogo, mec comme une flûte, quoi. C'est ça, quoi. T'imagines donc voilà. Bon, bah merci les gars d'avoir joué à ce petit jeu. Alors, j'ai juste regardé en fait, j'ai lu un article sur les acteurs qui ont refusé. Donc, j'ai repris cet article-là. Je dis, tiens, ça peut être intéressant comme question pour Mika et Laurent. Donc voilà. Merci d'avoir participé, les gars. Laurent, non, merci. Bah, avec plaisir. Non, rien. Sans vous, je ne suis rien, vous savez. Laurent, actualité de ta chaîne YouTube, toujours, ça ne change pas. Ben, je filme à Disneyland et je fais des vidéos immersives. Là, dernièrement, c'était un petit peu la fin de la semaine des princesses. Et ben surtout là, ce qui arrive, ça va être Halloween. Ça va être énorme. Halloween. Est-ce qu'on pourra enfin se voir ? Ben, je l'espère. Bah normalement, Halloween, on se verra. Très occupé. On peut se voir à Halloween. On peut se voir. Surtout que j'y suis 3 jours et toi 4, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu es à quel hôtel ? Là, pour Halloween, on sera au Santa Fe. Ah, nous, on a Davy Crockett. Ouais. On a pris le Davy Crockett. J'espère, ouais, on verra. Je ferai la dernière fois, on ne pouvait pas, tu étais occupé. Nous aussi. On se verra. On fera nos résas ensemble une prochaine fois. C'est ça. De toute façon, je ne peux plus réserver. J'ai réservé le 8, 9 et le 30. Ouais. Avril. C'est mort. Ah oui. 30 octobre, pardon. Donc, tu as droit qu'à 3. Ouais. Donc, je ne pourrai pas. Donc, voilà. Merci, Mika. En tout cas, je aussi t'en également. Prie. Alors, actu YouTube. Ah non, Mika n'a pas YouTube. Voilà, actu Insta, il a toujours les photos de ses tatouages. Ça marche. Voilà. Et on a perdu Benji2 en route. On ne sait pas où il est. Il doit être sur sa car. Ouais, c'est ça. Il avait Hulk, il a pris le vaisseau, il est sur sa car. Merci les gars, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas, il y a 9 épisodes, je crois, de Chihu. Donc on se retrouvera, on va laisser encore quelques-uns passer. Combien ? Normalement, c'est ça, je crois qu'il y en a 9. Ouais, 9. On va faire comme on a fait pour les autres, on va en laisser passer un petit peu et puis et on se reverra. Et je pense qu'on aura, franchement, je pense qu'on aura beaucoup de choses à parler, notamment, je pense qu'on verra Wong et Daredevil, bon, c'est prévu. Et je pense qu'on va voir aussi la série évoluer, parce que même si l'épisode 1 et 2 sont très bien, on sent quand même que le potentiel n'est pas totalement, de la série est totalement exploité. On peut être emballé, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais on sent qu'en fait, au fur et à mesure, ça va être bien. Voilà. Moi, je pense que je regarderai demain l'épisode 3 et je ferai un texto à Laurent pour dire si j'ai aimé. Voilà. Ah oui. Et Laurent, il ira regarder Shang-Chi et il nous dira s'il a aimé. Exact. Voilà. Exact, exact. Voilà. Et par contre, entre-temps, Laurent, je vais le garder et on va faire un débrief sur. Il faut qu'on fasse ce débrief sur Avenger Campus. Ah, c'est obligatoire. On doit le faire. D'accord. Voilà, on le fera, un débrief sur la bouffe. Mika, tu viens pas sur Disneyland, toi, par hasard ? J'ai pas trop le temps, et la seule fois où j'y suis allé, vous n'y étiez pas. Donc, ouais. La prochaine fois que tu viens, tu nous dis. Ça va, on organisera ça, mais. Allez, en tout cas, merci tout le monde pour votre écoute. Bonne rentrée aux jeunes qui nous écoutent. Les gars, justement, avant de... savez-vous quel est l'épisode qui a le... Enfin, je vais dire, allez, l'épisode qui a mieux marché de toute l'année, avant cette rentrée. Ah, fais-nous rêver. Ah, cherche. Ah. Laurent, je pense qu'il va trouver. Oh là, c'est pas sûr. Bon, j'ai pas d'idée. Oh, je suis outré, Laurent. Les épisodes les plus écoutés que nous avons, c'est Moon Knight. Ah, pardon, ouais. Pardon, j'ai pas compris on la a, question. On a un épisode, je sais plus c'est lequel, 900 écoutes. Énorme. Ah, c'est bien. Ouais, c'est super. Voilà. Bah ouais, tu vois. En tout cas, merci les gars. Merci beaucoup. On va laisser un peu de temps passer. Sauf avec Laurent, je vais garder peut-être pour la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines, pour faire un débrief sur... Sur comment Avenger Campus, voilà, rien à voir avec l'insecte, bien entendu, voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.